Merci d'avoir patienté. Je consulte votre dossier. L'objet de votre appel, c'est en rapport avec la dernière facture qui vous a été adressée, celle du 20 octobre ? Non, j'ai la facture du mois d'août sous les yeux. Et je voulais savoir si elle a été réglée. Alors, je regarde les détails. Alors voilà, effectivement, il y a à régler la facture d'août et la facture d'octobre. Celle du 22 août ? Oui, voilà. Le solde de celle d'août a été reporté sur celle d'octobre. Et vous pouvez régler la totalité à la date qui vous est indiquée sur la facture d'octobre. Mais je ne l'ai pas encore reçue. Ah bon ? Vous allez la recevoir probablement dans la semaine. La facture du mois d'août, elle faisait 27,70 €. Oui, c'est ça. La facture d'octobre, elle fait 39,42 €. Donc, le solde des deux fait 67,12 € que vous pouvez régler pour le 6 novembre. Tout est marqué sur cette facture qui a été éditée le 20 octobre. Ah, d'accord. Bon, très bien. Alors, j'attends la facture. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.